je pense que la madame à Gatineau, c'est pas une histoire de racisme, mais vu que c'est une histoire de main, ça va faire le tour du monde. Moi, je pense une madame qui est aux prises avec des gangs de rue ou des bagarres, puis là, elle a, c'est pas correct son geste, là. Elle a voulu mettre dehors tout le monde. Alors, ça fait le tour du web. J'ai rien à dire contre ça parce que je trouve ça indéfendable, mais sachez qu'il y a plein de bars dans le monde où les Blancs sont interdits de rentrer, là. Ça existe aussi. Et on n'en parle jamais. Au Japon. Savais-tu ça? Non, je savais pas. C'est pas les Japonais, ils sont spéciales. Oh, oui. Au Japon, si t'es blanc, tu rentres pas. Il y a des bars, oublie ça, tu rentres pas là. Moi, je connais des gars dans l'armée qui ont fait des voyages en masse. Mon Dieu racontait ça. Oui, oui. Pas les clubs privés, tu là, tu parles des clubs publics. Oh, oui, il y a une certaine forme de racisme aussi au Japon. Pas partout, pas répandu, mais ça existe envers les Blancs. Mais les victimes sont les Blancs. Donc, l'espérance de vie d'un Blanc à Kingston, la capitale de la Jamaïque, c'est combien? C'est une heure. Tu vis pas plus qu'une heure mais dans les rues à Kingston. Mais je comparerais pas la Jamaïque avec le Québec, tu sais. Non, Japon, je sais. Japon, peut-être plus, parce que là, c'est industrialisé, etc., mais... Ce que je vous dis, et c'est pas, c'est ça, tu veux diminuer le geste, la fille de Gatineau. Ben non, on l'a dit 100 fois, là, qu'à pas rapport, pis c'était erroné, son affaire. Mais je vous dis que vu que les victimes sont noires, ça va faire le tour du monde. Si les victimes étaient blanches, il y a combien de chrétiens dans le monde qui sont assassinés quotidiennement en raison de leur foi? C'est des dizaines et des dizaines, voire des centaines. Dans certains pays d'Afrique et au Moyen-Orient, les chrétiens sont actuellement persécutés comme jamais. Ça fera pas le tour du web. Ben, moi, j'en reçois des infos, j'ai des auditeurs qui sont allumés là-dessus, des fois qui m'en envoient. Je lis ça de façon épouvantable, mais il n'y a jamais de scandale.